Chapitre 50e, où l'on se revoit. C'était par une chaude après-midi d'été. Edith vint dans la chambre de Marguerite, la première en robe du matin, la seconde tout habillée pour le dîner. La première fois, elle n'avait trouvé personne. La seconde fois, elle trouva Dixon qui préparait la robe de Marguerite sur le lit. Mais Marguerite était toujours absente. Edith fit le tour de la chambre. « Oh, Dixon !» dit-elle tout à coup. « Ne lui faites pas mettre ces affreuses fleurs bleues avec cette robe couleur d'or mat. Quel goût! Attendez un instant. Je vais vous apporter des boutons de grenade. »« Cette robe n'est pas couleur d'or mat, madame. Elle est paille. Et le bleu s'accorde très bien avec la couleur paille. » Mais Edith avait rapporté les brillantes fleurs écarlates avant que Dixon eût achevé sa remontrance. « Ouais, Miss Hale ?» demanda Edith, lorsqu'il eut essayé l'effet de la garniture. « Je ne comprends pas, » continua-t-elle avec humeur, « comment ma tante a pu laisser prendre à Milton ses habitudes errantes. Pour moi, je m'attends à chaque instant à apprendre qu'il est arrivé quelque chose d'horrible dans les misérables taudis au lait toujours fourré. Je n'oserai jamais me risquer dans une de ces affreuses rues sans un domestique. Ce n'est pas là la place d'une femme bien élevée. » Dixon était encore vexé du mépris avec lequel avait été traité son goût, de sorte qu'elle répliqua un peu sèchement. « Je ne m'étonne plus quand j'entends les dames tant parler d'être bien élevées, et que je les vois si craintives et si délicates. Je ne m'étonne plus qu'il n'y ait pas maintenant de sainte sur la terre. Oh, Marguerite, te voilà enfin. J'ai tant besoin de te parler. Mais comme tu as chaud, comme tu es rouge, pauvre enfant. » Imagine-toi ce qu'a été faire cet insupportable Henry. Vraiment, il va au-delà de ce qui est permis à un beau-frère. Juste au moment où mon dîner était si heureusement complété, si bien combiné pour être agréable à M. Crowhurst, voilà Henry qui vient me demander, avec force excuse, il est vrai, et en s'appuyant de ton nom, la permission d'amener avec lui M. Thornton, de Milton, ton locataire, tu sais, qui est venu à Londres pour affaire. Cela gâte tout à fait mes arrangements. « Je ne tiens pas au dîner, je n'ai même pas faim, » dit Marguerite. « Dixon pourra m'apporter une tasse de thé ici et vous me retrouverez au salon quand vous monterez. Je ne serai vraiment pas fâché de me reposer un peu. »« Non, non, je ne veux pas de cela. Il est vrai que tu es horriblement pâle, mais c'est la chaleur, ça ne sera rien. Et nous ne pourrons pas nous passer de toi, c'est impossible. » »« Un peu plus bas, ces fleurs, Dixon. Elles font un effet charmant, Marguerite, dans tes cheveux noirs. » Tu sais que nous avons compté sur toi pour causer de Milton avec M. Crowhurst. Mais, à propos, ce monsieur vient de Milton. Oh, alors tout ira bien. M. Crowhurst le questionnera sur les sujets qui l'intéressent. Et ce sera très amusant de retrouver ton expérience et la sagesse de Mr. Thornton dans le prochain discours de M. Crowhurst à la chambre. Réellement, c'est une bonne idée qu'a eue la Henry. Je lui ai demandé si c'était un homme qui nous ferait honte et il m'a répondu « non pas ». Si vous avez le sens commun, ma petite sœur. D'où je conclus que ton locataire parle sans faire de cuir, ce qui n'est déjà pas si ordinaire dans le Darkshire. Et Marguerite ? Mr. Lennox ne t'a pas dit pourquoi Mr. Thornton est venu à Londres ? Est-ce bien pour des affaires relatives à sa maison ? Demanda Marguerite d'un air contraint. Oh, il est en faillite ou quelque chose de ce genre. Henry, tu l'as dit le jour où tu avais si mal à la tête. « Je ne sais plus juste ce que c'est... »« Là, très bien, Dixon. »« Mais c'est il nous fait honneur, n'est-ce pas ?»« Je voudrais être grande comme une reine, Marguerite, et brune comme une bohémienne. »« Mais que disais-tu de Mr. Thornton ?»« Oh, ne me questionne pas. J'ai une si mauvaise tête quand il s'agit d'affaires. »« Henry sera enchanté de te dire tout cela. »« L'impression qui m'en est restée, c'est que Mr. Thornton est mal dans ses affaires. » et que c'est un homme très respectable et qu'il faut que je sois très aimable avec lui. Et comme je ne savais pas trop comment m'y prendre pour cela, je suis venu te chercher. Maintenant, descends avec moi, afin de te reposer sur le sofa pendant un quart d'heure. » Le beau-frère, usant de ses privilèges, arriva de bonne heure, et Marguerite se mit en rougissant à le questionner au sujet de Mr. Thornton. « Il est venu à Londres, » dit Mr. Lennox, pour cette sous-location de la manufacture et de la maison de Marlborough Street. Il ne peut les conserver. Et il y a des actes et des baux à examiner et des conventions à dresser. J'espère qu'Edith le recevra bien. Elle a été un peu déconcertée à ce que j'ai vu de la liberté que j'ai prise de lui demander une invitation pour lui. Mais j'ai pensé que vous seriez bien aise qu'on lui fît cette politesse. Et d'ailleurs, on est naturellement disposé à se montrer scrupuleux au sujet d'un homme qui vient de perdre sa fortune. » Henry avait baissé la voix en parlant à Marguerite, près de laquelle il était assis. Mais en faisant sa phrase, il se leva tout à coup pour aller au-devant de Mr. Thornton qui venait d'entrer et le présenta à Edith et au capitaine Lennox. Marguerite regarda avec anxiété Mr. Thornton pendant qu'il était ainsi occupé. Il y avait plus d'un an qu'elle ne l'avait vu, et depuis ce temps il avait beaucoup changé. Sa taille élevée lui donnait toujours un air de distinction à cause de l'aisance dans tous ses mouvements qui en étaient la conséquence. Son visage paraissait vieilli et fatigué par les chagrins. Mais il exprimait une noble tranquillité qui, aux yeux de ceux qui connaissaient le changement de sa position, témoignait de son mal courage et de sa dignité vraie. En entrant dans la chambre, il avait vu d'un coup d'œil que Marguerite y était. Il avait saisi à l'instant l'air d'intérêt et d'attention avec lequel elle écoutait Mr. Lennox, et il s'avança pour la saluer avec les manières calmes et bienveillantes d'un ancien ami. Lorsqu'il lui adressa la parole, les joues de Marguerite se couvrirent d'une vive rougeur qui ne les quitta plus tout le reste de la soirée. Elle ne paraissait pas avoir grand-chose à lui dire. Il fut désappointé par la manière calme dont elle lui fit ce qui lui sembla, lui, les questions purement indispensables sur les anciennes connaissances de Milton. Puis d'autres arrivèrent, qui étaient des amis plus intimes de la famille, et il retomba sur l'arrière-plan où il causa de temps à autre avec Mr. Lennox. « Ne trouvez-vous pas que Miss Hale a bien gagné ?» lui dit celui-ci. « Je crois que l'air de Milton ne lui convenait pas, car lorsqu'elle est arrivée à Londres, elle était excessivement changée. Ce soir, elle paraît radieuse. Elle est aussi beaucoup plus forte. L'automne dernier, une promenade de 2000 l'a fatiguée à l'excès. Vendredi soir, nous sommes allés jusqu'à Hampstead à pied. Nous en sommes revenus de même, et cependant, samedi, elle avait aussi bonne mine qu'aujourd'hui. Nous, qui nous ? Eux deux, seuls ? Se demandait Mr. Thornton. Mr. Colthurst était membre du Parlement, où il commençait à se distinguer. Il était prompt à discerner le vrai mérite, et fut frappé d'une remarque qui échappa pendant le dîner à Mr. Thornton. Il demanda à Edith qui il était, et à sa grande surprise, celui-ci s'aperçut par le ton dont il lui répondit, en vérité, que Mr. Thornton, de Milton, n'était pas aussi généralement inconnu qu'elle se l'était imaginé. Le dîner marchait bien. Henry était en benne et se montrait spirituel et caustique. Mr. Thornton et Mr. Colthurst s'étaient rencontrés sur des sujets qui les intéressaient tous deux, et ils se contentaient de les effleurer, se réservant d'en causer plus au long dans la soirée. Marguerite était charmante avec sa coiffure de grenade, et bien qu'elle parlât peu et s'appuya sur le dos de sa chaise, Edith ne paraissait pas contrariée car la conversation était animée, sans qu'elle s'y mêlât. Marguerite étudiait la physionomie de Mr. Thornton. Il ne la regardait jamais, de sorte qu'elle pouvait l'observer tout à son aise et se rendre compte des changements que le temps avait amenés dans sa personne. Tout à coup, à un mot qui lui fut dit par Mr. Lennox, sa figure resplendit de cette joie intense qui autrefois ranimait par instants. Ses yeux reprirent l'éclat, ses lèvres le sourire des anciens jours, et instinctivement, son regard chercha celui de Marguerite, comme s'il eût senti le besoin de sa sympathie. Mais lorsque leurs yeux se furent rencontrés, sa physionomie changea complètement. Elle devint de nouveau grave et anxieuse, et pendant tout le reste du dîner, il évita de se tourner du côté où elle était. Il n'y avait dans la réunion que deux dames étrangères à la famille, et toutes deux causaient avec Edith et sa mère, tandis que Marguerite travaillait à une tapisserie, lorsque les messieurs remontèrent au salon. Mr. Colthurst et Mr. Thornton causaient vivement ensemble. Henry Lennox s'approcha de Marguerite et lui dit à voix basse « Je crois vraiment qu'Edith me devra des remerciements pour le convive que je lui ai amené. Vous n'imaginez pas quel homme de sens et d'esprit c'est que votre locataire. » C'était justement l'homme qu'il fallait à Colthurst pour lui donner tous les renseignements dont il avait besoin. Je ne comprends pas comment il a pu mal gérer ses affaires. À sa place, vous auriez réussi. Dit Marguerite. Henry fut médiocrement satisfait du ton dont elle avait prononcé cette réponse, bien qu'elle n'eût fait qu'exprimer une idée qui avait déjà traversé son esprit. tandis qu'ils gardaient tous deux le silence, la conversation de Mr. Colthurst et de Mr. Thornton s'animait de plus en plus. « Je vous assure, disait le premier, que j'en ai entendu parler avec beaucoup d'intérêt, ou, si vous aimez mieux, beaucoup de curiosité. J'ai entendu continuellement invoquer votre nom pendant mon court séjour dans le pays. » Ici, Marguerite et Mr. Lennox perdirent quelques mots, puis Mr. Thornton reprit. « Je n'ai rien de ce qu'il faut pour devenir populaire. S'ils ont parlé de moi dans ce sens-là, ils se sont trompés. Ce n'est que lentement que je m'intéresse aux projets nouveaux, et j'ai peine à me faire connaître même de ceux que je désire connaître moi-même, et pour lesquels je voudrais n'avoir pas de réserve. Cependant, malgré toutes ces entraves, je sens que j'étais dans la bonne voie, et que, partant d'une sorte d'amitié avec l'un d'eux, j'arrivais graduellement à en connaître plusieurs. Les avantages étaient réciproques. Sans le savoir, nous nous instruisions mutuellement. « Vous vous instruisiez, dites-vous. Je croyais que vous aviez l'intention de continuer cette manière d'agir. »« Il faut que j'arrête Colthurst, » dit Henry Lennox, se levant vivement. Et par une question à la fois abrupte et pleine d'à-propos, il détourna la conversation de manière à éviter à Mr. Thornton l'humiliation d'avouer son insuccès et son changement de position. Mais aussitôt que le nouveau sujet eut été épuisé, Mr. Thornton reprit la conversation à l'endroit où elle avait été interrompue et répondit à la question que lui avait faite Mr. Colthurst. « Je n'ai pas réussi dans mes affaires et j'étais obligé de renoncer à ma position de manufacturier. Je cherche une place à Milton. » « Je voudrais être employé par quelqu'un qui fût disposé à me laisser agir librement. Mon seul désir est d'avoir l'occasion de cultiver quelques relations avec les ouvriers en dehors des espèces sonnantes. Mais on dirait du point d'appui qu'Archimède demandait pour soulever le monde, avoir l'importance qui attache la plupart de nos manufacturiers. Ils branlent la tête et prennent un air grave dès que je leur parle des quelques expériences que je souhaiterais faire. Vous les appelez vous-même des expériences à ce que je vois ?» dit Mr. Colthurst avec une nuance délicate de respect plus marquée. Parce que je les regarde comme tels. Je ne suis pas certain des conséquences qui en résulteront, mais je suis certain que l'épreuve doit en être tentée. Je suis arrivé à cette conviction que de simples institutions, quelque sages, quelque merveilleusement combinées et organisées qu'elles soient, ne pourront jamais attacher les choses l'une à l'autre comme il est nécessaire qu'elles le soient, à moins que ces institutions n'est pour effet de mettre les individus des deux classes en fréquent contact personnel. Ces relations sont le souffle qui vivifie tout. Il est difficile de faire comprendre à un ouvrier combien son patron a travaillé dans son cabinet aux plans qui ont pour but le bien-être de ceux qu'il emploie. Un plan complet surgit comme une machine pourvue de tous ses rouages, et les ouvriers l'acceptent comme ils acceptent les machines, sans rien comprendre au profond travail intellectuel qu'il a fallu pour les amener à une si grande perfection. Mais pour mettre à exécution le projet que j'ai conçu, des relations personnelles seraient indispensables. Peut-être tout ne marcherait-il pas bien d'abord, mais à chaque secousse, à chaque accroc, un plus grand nombre d'hommes s'intéresserait au succès, jusqu'à ce qu'il en vînt à être désiré partout, parce que tous travailleraient à la réussite de ce plan. Et même, je suis sûr, qu'il perdrait sa vitalité et cesserait d'agir effectivement dès qu'il ne serait plus soutenu par cet intérêt commun qui amènent invariablement les gens à trouver des moyens de se voir, de se connaître personnellement, et même d'être au courant du caractère et des habitudes les uns des autres. Nous nous comprendrions mieux, et j'ose dire que par suite, nous nous aimerions davantage. Et vous croyez que vos projets préviendraient le retour des coalitions? Pas le moins du monde. Je me borne à espérer qu'ils empêcheraient les grèves d'être une source de haine aussi amère et aussi envenimée que par le passé. Un homme porté aux illusions espérerait peut-être que des relations plus intimes et plus naturelles entre les maîtres et les ouvriers feraient cesser à jamais les grèves. Mais je ne suis pas en général disposé à beaucoup espérer. Soudain, comme s'il eût été frappé d'une nouvelle idée, il traversa le salon pour s'approcher de Marguerite et lui dit, sans préambule, et comme s'il n'eût pas douté qu'elle n'eût écouté tout ce qui s'était dit. « Miss Hale, j'ai reçu une sorte de lettre de plusieurs de mes hommes. Je crois qu'elle est de l'écriture de Higgins. Ils me témoignent leur désir de travailler pour moi, si jamais je redevenais en position d'employer des ouvriers pour mon compte. Cela est bien de leur part, n'est-ce pas ? Oui, très bien, j'en suis contente, dit Marguerite, le regardant face avec ses yeux expressifs, qui se baissèrent bientôt sous les éclairs que lançaient ceux de Mr. Thornton. Il sortira en jetant encore un coup d'œil vers elle, comme s'il eût éprouvé quelque hésitation, puis il soupira et dit « J'étais sûr que vous en seriez bien aise. » Après quoi il se détourna et ne lui adressa plus la parole que pour prendre cérémonieusement congé d'elle. Lorsque Mr. Lennox fut sur le point de se retirer, Marguerite lui dit en rougissant et avec quelque hésitation « Pourrais-je vous parler demain ? J'ai besoin de vos conseils pour quelque chose. »« Certainement. Je serai ici à l'heure que vous m'indiquerez. » Vous ne pouvez me faire un plus grand plaisir que celui de me permettre de vous être utile. Voulez-vous que ce soit 11 heures ? Très bien, comptez sur moi. Les yeux de Henry brillèrent de satisfaction. Comme elle s'habituait à lui demander conseil, à avoir besoin de lui, il semblait que chaque jour dût maintenant lui apporter cette certitude sans laquelle il avait résolu de ne jamais se déclarer de nouveau.